8.2. Compréhension auditive et production orale. Regardez l'arbre généalogique de Mireille qui accompagne le texte de la leçon 8. Vous allez entendre des paires de phrases qui expriment des rapports de parenté dans la famille Bello. Choisissez la phrase qui exprime le rapport de parenté réel. 1. Léon Potier, Mireille. Vous entendez? 1. Léon Potier est le frère de Mireille. Léon Potier est le grand-père de Mireille. Et vous répondez? Léon Potier est le grand-père de Mireille. 2. Madeleine Potier est la mère de Mireille. Madeleine Potier est la sœur de Mireille. Madeleine Potier est la mère de Mireille. 3. Georges Bello est le grand-père de Mireille. Georges Bello est le cousin de Mireille. Georges Bello est le cousin de Mireille. 4. Marie-Laure est la sœur de Mireille. Marie-Laure est la cousine de Mireille. Marie-Laure est la sœur de Mireille. 5. Édouard Potier est l'oncle de Mireille. Édouard Potier est l'arrière-grand-père de Mireille. Édouard Potier est l'arrière-grand-père de Mireille. 6. François Bello est le frère de Madeleine Potier. François Bello est le mari de Madeleine Potier. François Bello est le mari de Madeleine Potier. Très bien. Bon, 7. Madeleine Potier est la femme de François Bello. Ou bien Madeleine Potier est la cousine de François Bello. Non, non, non. Madeleine Potier est la femme de François Bello. Bien. 8. Georgette Bello est la grand-mère de Mireille. Ou bien Georgette Bello est la tante de Mireille. Georgette Bello est la tante de Mireille, bien sûr. 9. Georgette Bello est la mère de Guillaume Bello. Ou bien Georgette Bello est la sœur de Guillaume Bello. Oui, c'est ça. Georgette Bello est la sœur de Guillaume Bello. 10. Mireille est la fille de François Bello. Bien, Mireille est la cousine de François Bello. Mireille est la fille de François Bello. 11. Mireille est la fille d'Anatole Bello ou la petite fille d'Anatole Bello? Mireille est la petite fille d'Anatole Bello. 12. François Bello est le cousin d'Anatole Bello? Ou François Bello est le fils d'Anatole Bello? François est le fils d'Anatole.